Attends. Ouais, donc, du coup, toi et moi, c'est comment? Hein? Nous deux, tous les deux, c'est comment? Je peux savoir pourquoi tu rigoles? Tu vois, là, on m'appelle. Je sais pas, tu viens, je te rappelle. Au pire des... Vas-y, tu sais quoi, je te rappelle. Culpabilité, culpabilité.